Il est 22h. Passez de bons moments avec Lumitel. Bonsoir à vous tous et merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici la dernière édition du journal parlé en français pour ce 29 juillet 2021. Les grands titres. Plus de 120 patients du Covid-19 sont mis en quarantaine à Kirundo alors que 20 personnes testées positives sont alitées à l'hôpital de Kiremba. Entre-temps, d'autres sont prises en charge chez elles dans sa descente Kongozi. Le ministre de la Santé a rassuré que cette pandémie sera maîtrisée dans le district de Kirimba d'ici 2 semaines. Et le ministre de l'Intérieur annonce la prolongation pour 1 mois comme délai supplémentaire accordé aux propriétaires des constructions hors normes pour finir la démolition. Près de 50 milliards de francs burundais, c'est le montant nécessaire pour la restructuration de la Sosumo, la société sucrière du Mosso. Cette prévision a été annoncée par le ministre en charge de l'agriculture lors de la présentation des réalisations annuelles du dit ministère. Le Burundi aux Jeux Olympiques de Tokyo. La Burundaise Ornella Habyarimana, qui représente les boxeurs burundais aux Jeux Olympiques de Tokyo, a été éliminée ce jeudi face à la Serbe Nina Radovanovic. Mais cette défaite n'entame pas sa note positive de son expérience au JO. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bonsoir. Plus de 120 patients de Covid-19 sont mis en quarantaine à Kirundo. Il leur est demandé de poursuivre les mesures barrières et de respecter les mesures barrières et surtout de garder espoir car la maladie est curable. Cela a été dit ce jeudi par le secrétaire permanent au ministère de la Santé et de la lutte contre le sida lors d'une descente pour la visite des sites de dépistage au Covid-19. Le chef de cabinet du gouverneur a quant à lui prévenu contre des sanctions toutes les personnes testées positives mais qui refuse de s'astreindre à l'autoconfinement. Abraham Safari. Dans la campagne de dépistage volontaire au Covid-19 faite depuis la semaine passée en province de Kirundo, surtout dans le district sanitaire de Kirundo, les effectifs des cas positifs, malgré la diminution, continuent à se remarquer, du moins selon les informations émanant des autorités sanitaires à Kirundo. Les communes les plus touchées sont Kirundo, avec un nombre plus important, ainsi que les communes de Bugabira et Nega. Dans ce mot de circonstances, le secrétaire permanent au ministère de la Santé et de lutte contre le sida, Dr Jean-Baptiste Nzoiro-Nganevier, il a interpellé aux patients du Covid-19 de continuer les mesures barrières et la population se faire dépister le plus rapidement possible lorsque elle sent des signes pathologiques à la maladie. Quant au chef de cabinet du gouverneur de la province de Kirundo, Eric Ndouayezu, il a signalé que depuis qu'ils ont entendu la propagation à grande vitesse de ce virus à Kirundo, ils ont pris des mesures qui s'imposent et surtout la sensibilisation au dépistage volontaire. Il a toutefois fait clin d'œil à ceux qui font l'autoconfinement de rester dans le confinement chez eux et éviter de se promener ici et là, sinon qu'ils peuvent être sanctionnés. Le représentant de l'OMS, quant à lui, a remercié les services de santé pour l'activité d'urgence qu'ils sont en train de faire, signalant que la Croix-Rouge section Kirundo a donné des kits de cuisine et de table pour 126 personnes se trouvant dans le confinement au lycée de Kanyinya. Depuis Kirundo, Abraham Safari pour la radio Isanganiro. Merci Abraham Safari. Et le ministre de la Santé était quant à lui en province Ndongozi, là-bas, sur différentes collines du district sanitaire de Kirimba. On rapporte que 20 personnes testées positives sont alitées à l'hôpital Kirimba alors que d'autres sont prises en charge chez elles. Dans son descente sur le lieu ce jeudi, le ministre de la Santé a rassuré que cette pandémie sera maîtrisé dans ce district d'ici 2 semaines grâce aux équipes multidisciplinaires y envoyées ainsi que à l'action des agents de santé communautaire. Suivez plutôt Dr Tade Ndikumana. Il est ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida, mais c'est aussi le vice-président du Comité national de riposte contre la COVID-19. Nous avons effectué, en compagnie avec les représentants de l'OMS, une visite sur le terrain. Comme vous le voyez, nous sommes sur la colline Gahororo. Au même moment, le secrétaire permanent et les autres membres du ministère sont à Kirundo. Effectivement, il y a une semaine qu'on a constaté qu'il y a la recrudescence des cas de Covid dans le district sanitaire de Kiremba, ici là où nous sommes, et le district sanitaire de Kirundo. Alors, nous avons dépêché des équipes qui sont venues appuyer les ZEIR au niveau des districts pour pouvoir faire le dépistage actif, stage de masse, sur les collines sur lesquelles nous avons constaté qu'il y a recrudescence des cas. Donc nous sommes très satisfaits parce que depuis une semaine, nous avons dépisté beaucoup de milliers de personnes dans ce district, sur toutes les collines. Comme vous l'avez souligné, il y a recrudescence des cas liée au fait que nous avons intensifié le dépistage. Ce n'est pas mauvais, mais la stratégie du ministère de la Santé, c'est de pouvoir appuyer là où on constate une augmentation des cas, on fait le dépistage actif pour freiner l'épidémie. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, comme vous avez constaté à Kiremba, l'hôpital, il y a des gens qui sont venus pour se faire dépister. Et nous avons 3 sites ici dans le district. Et nous avons dépêché des équipes médicales multidisciplinaires, notamment les laborantins, les médecins, les infirmiers, les psychologues, pour pouvoir appuyer. Alors, à l'heure où nous sommes, ça fait une semaine. Et nous espérons que dans 2 semaines, on pourra maîtriser la pandémie dans ces districts. Isanganiro. Près de 50 milliards de francs burundais, c'est le montant nécessaire pour la restructuration de la société sucrière du Mosso, la Sosumo. Cette prévision a été annoncée par le ministre en charge de l'agriculture lors de la présentation des réalisations annuelles du ministère. Deogi Derurema souhaite que cette société atteigne la production de 35 000 tonnes de sucre par an au lieu de 25 000 pour satisfaire la demande locale. Ivyigwa bitwereka yuko biri hagati y'imiliyari 45 na 50 kugira ngo tuyungure. Les études montrent qu'il nous faut une somme qui va de 45 à 50 milliards de francs burundais pour pouvoir réhabiliter et étendre les champs de culture des cannes à sucre. Là, vous comprendrez que nous aurons besoin des tracteurs, des semences et des engrais. Nous n'avons pas de problème avec les terres cultivables parce que la population nous a promis de les mettre ensemble une fois regroupées en coopérative. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir comment le gouvernement pourrait nous autoriser à contracter un prêt pour nous mettre à l'œuvre nous-mêmes. Nous avons montré que cet objectif peut être atteint dans peu d'années. La production annuelle est de 20 000 tonnes. Nous espérons produire jusqu'à 35 000 tonnes pour satisfaire la demande de la population qui ne cesse d'accroître. La pénurie du cycle n'est pas que la production est insuffisante, mais songez à ces gens qui ont des petites entreprises méconnues utilisant une grande quantité du sucre. Mais nous allons faire nos propres enquêtes, nous allons démontrer tout parce que ce n'est pas compréhensible que le sucre distribué dans la capitale Bujumbura se retrouve dans d'autres provinces. La question du sucre est vraiment complexe, mais puisqu'il existe des listes de ces grossistes et distributeurs connus et d'autres inconnus, ça nous perturbe beaucoup, mais fin de fin, le problème sera résolu. C'était le ministre en charge de l'agriculture Deogi de Rurema, traduit par Charles Makoto. 1 mois de prolongation, c'est le délai supplémentaire accordé aux propriétaires des constructions anarchiques pour finir la démolition de leurs maisons érigées en dehors des normes. Mais ça a été une recommandation du ministre de l'Intérieur lors d'une réunion avec tous les administrateurs communaux et gouverneurs de province à Gitega. Le ministre Gervais Ndirakobucha a prévenu qu'un administrateur qui faillira à sa mission dans sa commune, ça va influencer sur l'évaluation, sur la performance à son égard. Écoutez plutôt le ministre Ndirakobucha, traduit par Fidèle d'Antoine Sabimana. J'ai reçu des rapports de la part des gouverneurs. On parle de beaucoup de choses actuellement. Mais sachez que nous ne voulons plus de l'anarchie. Nous sommes en train de remettre dans leurs droits la population qui a été spoliée par les anciens pouvoirs. Mais aussi, n'oubliez pas que nous remettons l'État dans ses droits. Vous voulez une prolongation de combien de semaines? À moi, ça vous suffit? Journalistes, soyez mes témoins. À partir du 1er septembre, je vais faire des descentes dans tout le pays avec mes conseillers techniques. On ne veut plus de l'anarchie dans les constructions. Sensibiliser aussi ceux qui construisent à utiliser des briques cuites. On ne veut plus des briques adobe. C'était le ministre de l'Intérieur, Gervais Ndirakobucha. La culture burundaise est parmi les obstacles qui handicapent la lutte contre les violences basées sur le genre. Propos du président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme ce jeudi dans la commune de Rutegama, province Muramvya. C'était au cours d'un atelier avec les représentants des leaders de la société civile, les administratifs et les corps de justice sur ce sujet. Sikte Vigny Nimuraba estime que la dénonciation favoriserait la lutte contre les violences basées sur le genre. On l'écoute. Nous avons invité les représentants des organisations de la société civile qui, parmi les fonctions, traitent des problèmes en rapport avec les violences basées sur le genre. Et donc, nous les avons invités pour que nous puissions échanger et pour voir les réalisations, les avancées, les défis en rapport avec la loi de 2016, en rapport avec les violences basées sur le genre, parce que nous avons besoin de savoir s'il y a eu des améliorations, s'il y a eu des actions concrètes qui ont été fournies par le gouvernement et les autres intervenants. Mais aussi savoir s'il y a des défis majeurs auxquels on pourrait faire face. Et il y a beaucoup de défis, à commencer par la culture burundaise, et qui fait que si vous êtes victime de violences basées sur le genre, vous avez la honte et vous n'avez pas le courage de le dénoncer. Et autre chose, c'est que quand vous êtes victime de son genre de crime, vous n'avez pas le courage de le dénoncer, bien sûr, mais vous vous humiliez vous-même au sein de votre société et vous vous considérez comme étant un sous-homme. Autre chose, c'est que le suivi est un peu difficile parce que ça peut faire face à des agresseurs qui sont des membres de votre famille, mais aussi des gens qui ont certaines positions. On peut aussi souligner les impacts psychologiques parce qu'il y a un niveau de traumatisme qui peut arriver à chaque victime de violences basées sur le genre, et surtout que certains se considèrent comme exclus de la société. Je pense que la première chose, c'est que la population soit sensibilisée et que chaque fois qu'une personne ou une association voit qu'il y a un agresseur qui commet de tels forfaits, et qu'ils puissent le traduire en justice, que la justice fasse son travail. Et autre chose, c'est que la justice aussi puisse intervenir chaque fois qu'il y a besoin et punir exemplairement les auteurs de ce genre. Et dans le reste de l'actualité internationale, à 22h12 à Bujumbura et sur Isanganiro, la porte-drapeau du Burundi, Ornella Habyarimana, a été éliminée dès son premier combat au tournoi de boxe des Jeux Olympiques de Tokyo 2021, ce 29 juillet. Mais la Burundaise a pu mesurer ses progrès face à la Serbe Nina Radovanovic, une adversaire qu'elle avait déjà affrontée au championnat du monde amateur 2019. Et la Serbe avait là aussi gagné par décision unanime des juges. Malgré cette défaite, elle veut ainsi garder une note positive de son expérience au JO. Sachez que la délégation burundaise compte également 5 autres athlètes au total, répartis entre l'athlétisme et la natation. Et 6 militaires français ont été arrêtés à Bata, leur hélicoptère ayant été immobilisé dans la seconde ville de la Guinée après son atterrissage mercredi. Jeudi, les autorités équato-guinéennes ont affirmé que l'appareil avait atterri sans autorisation. Malabo n'exclut pas une opération d'espionnage et une provocation de Paris. Les autorités françaises, par contre, avancent la thèse d'escale technique à Bata. L'équipage, selon elle, disposait des autorisations nécessaires. L'hélicoptère au cœur de cette tension diplomatique assurait la liaison Douala et Libreville. Et cet incident survient après la condamnation définitive en France de Théodorin Obiang, vice-président équato-guinéen, dans le cadre de l'affaire dite de Bien Mal Acquis. L'office de Bien Guéma, 52 ans, avait été condamné par la Cour d'appel de Paris en février 2020 à 3 ans de prison avec sursis, 30 millions d'euros d'amende et la confiscation de tous ses biens saisis pour blanchiment d'abus de biens sociaux, de détournement de fonds publics et d'abus de confiance entre 1997 et 2011. Il avait fait appel de cette décision, mais la Cour de cassation de France en a décidé autrement. Il est 22h15 à Bujumbura et sur Isanganiro. Merci à vous tous d'avoir suivi ce journal. Merci à Albert Ndouaïo pour sa mise en onde. Nous vous souhaitons de passer une très bonne soirée. Les programmes de Radio Isanganiro continuent. Jean Bosco, Douimana.